Tinky Winky, Dipsy, Lala, Jean Mouloud. Laisse-moi kiffer la vibes avec mon mec. J'suis pas d'humeur à ce qu'on me prenne la tête. Tu sais que moi, j'attends l'amour. Des bisous, des câlins, j'en veux tous les jours. Y'a du soleil et des nanas dans la vallée de Dana. Ne laisse pas traîner ton slip si tu veux pas que nous on flippe. Hardcore sur celle-là. Ah là là. Si j'avais un marteau, je cognerais mon père, ma mère et mes soeurs. Oh oh. Ce serait le bonheur à ton cuitasse. Les bananes. Mais moi, je m'en fous. J'ai pas de face. Oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on m'a fait. Ta cagoule, sinon t'auras froid, t'auras les glands, t'auras les boules. Et moi, pendant ce temps-là, je tournerai la manivelle. Mais sont où les tuyaux et la grande échelle? Il t'es pas, c'est pas loin, tra la la la la la. Il t'es pas, c'est pas loin, tra la la la la la la. Il t'es pas, c'est pas loin, tra la la la la la la la la la la la la. Ta meuf, caille mec, elle met des coups de tête. Ouais, ouais, et on fait tourner les serviettes. J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi ça pousse pas? Tire-le-le-le-le, pas bon sur le chihuahua. Enfant, ça sert à rien, faut tous les brûler. Mais la Zubida voudrait bien y aller. Tic, tic, tic, tic, tic, tic. Tic est un cranger du risque. Viens danser sous le sunlight des tropiques. J'aurai jamais besoin de personne. En a. Suite à un problème. Merci. Les feuilles sont mortes. Il n'y a plus de saison. It's a small small world, tra la la la la la la. It's a small small world, tra la la la la la la. It's a small small world, small world, small world, small world.